franceinter.com. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique au Mangin Palace, épisode 198. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 28 mars 2010, 11h06, bonjour à toi, l'ami. Alors, avant tout cette semaine, tu es circonspect devant le retour en grâce des Chirakiens, tel Georges Tron, au sein du gouvernement. Non, c'est de la stratégie. On place nos hommes chez l'ennemi. Bah, c'est pas ce qui se dit. Nicolas Sarkozy l'aurait plutôt débauché. Pas du tout. Vous pensez que Tron, c'est un vrai nom? Vous avez déjà entendu ce nom, Tron? Personne ne s'appelle comme ça en France de nos jours, voyons. C'est un nom de code. Tron, un nom de code? Ah oui, c'est un homme, Tron. Sarkozy a la moitié, mais nous, on a le reste. Voilà, ce matin, l'ami, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré aux actualités, manipulé par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jeu d'un Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audiorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel nous reviendrons évidemment ce matin sur cette folle semaine politicienne. Dans la foulée, justement, nous te dévoilerons les coulisses de la fronde chez les barons de l'UMP. Ensuite, nous déambulerons dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques sont passés de l'autre côté du miroir à la recherche de Lewis Carroll, un pays merveilleux que nous ausculterons ici comme des chapeliers furieux. Immédiatement après, direction Gros-Boule-les-Bains, où nous découvrirons pourquoi Jean-Claude a décidé de se lancer dans une carrière risquée, celle de boxeur. Et puis nous enchaînerons avec le curieux dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter, où Robert Badinter viendra ce matin nous offrir sa définition du châtiment. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et remanie-toi. Keep it real now, 'cause I'm the one to 10. She's a certified 20. that's ridiculous. In the club looking so conspicuous. And wow, these women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suits. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinkies valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and Ursh once more when we leave them dead. We want a lady in the street, but a freak in a bed that say, Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Yeah, c'est l'onomatopée du rappeur Usher en ce joli dimanche des Rameaux. Plus qu'une semaine avant la résurrection. Mon père, tout le monde recommence à s'intéresser à moi. Je pense que je suis en train de faire un comeback. Oui, comme John Travolta avant toi, tu fais l'expérience d'une seconde résurrection. Mais pas... Je crois que c'est peut-être ma dernière chance de pouvoir faire un comeback. Prends garde au péché d'orgueil, Jésus. Oui, méfions-nous de ce péché capital qu'est l'orgueil, et au son des cloches, préférons-lui la paresse, puisqu'il est l'heure maintenant de te vautrer confortablement afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 198e épisode du Mangin Palace. Et ce matin, bien sûr... Après l'abstinence due aux deux scrutins électoraux, c'est le grand retour des actualités politiques au cœur de notre petite session freudienne. Ainsi, M. Divan Beaujelet nous propose de redécouvrir ici les conséquences immédiates de ces élections régionales. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Petit chelem donc pour la gauche, mais gros score. Ça part. Désolé. Mmh. Ah oui, c'est même du jamais vu depuis les législatives de 1981. La gauche obtient donc près de 54% des suffrages. Arrêtez là. Contre 36% pour la droite. Mais vous souriez ? Oui. Non. Je vous propose d'écouter immédiatement la première déclaration du Premier ministre François Fillon. D'accord, oui. Ce vote, nous devons l'analyser lucidement. Ce n'est pas un virus, à mon avis. Et nous devons le respecter, parce que le message des Français est toujours une source d'enseignement. Aucune idée de ce qui s'est passé ? Non, pas la moindre, vraiment, le mystère complet. Mais cela, nous devons le faire posément. Alors, il y a vraiment des gens qui ne savent pas se tenir, c'est terrible. Avec le président de la République, le combat pour la croissance est notre priorité absolue. Et alors ? Il faut de la continuité, il faut de la ténacité, et il faut aussi du courage. T'as raison, c'est ça. Voilà, la faute à la crise et non à la politique menée. Tous les ministres ont dit rigoureusement la même chose hier soir. Alors changer de politique, bien sûr que non. C'est une spécialité maison en quelque sorte. Les deux têtes de l'exécutif vont s'atteler à la tâche dès ce matin pour remodeler l'équipe gouvernementale de manière technique et modeste. Jetons un petit coup d'œil à ce qui vous reste. Hein ? Alors qu'on le disait, ce que demandent les Français, c'est pas forcément un remaniement, c'est que le président change éventuellement les réformes, le cap des réformes. Bien vu ça. Alors, où sont ces messieurs ? Cet après-midi ont eu lieu les passations de pouvoir entre anciens et nouveaux ministres, François Baroin. J'ai l'impression que vous vous êtes déjà fait des amis ici. Ont promis de poursuivre l'ensemble des réformes engagées par Éric Woerth. Bien, il va falloir que je prépare mon rapport, là. En lieu et place de Xavier Darcos. Vous auriez la gentillesse de bouger ton cul d'ici ? Éric Woerth, qui affirmait ne pas vouloir se cantonner à une approche comptable de la réforme des retraites. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. Lors des élections régionales, vous avez voulu exprimer ce que vous ressentiez dans un contexte de crise économique, de crise financière, est-ce tout ? De crise agricole. Bon, ça marche très fort. La crise, ajoutant ses difficultés, a empêché de voir les effets positifs de tout ce qui a été accompli. Je comprends votre impatience. Je me dois d'y répondre. D'autres problèmes qui demandent qu'on vous rassure un peu ? Non, tout va bien. Le clash a eu lieu hier matin, juste avant le Conseil des ministres. On va redémarrer coup de boule FM. Le président devait parler à la mi-journée, le Premier ministre le soir sur TF1. Lors de leur tête-à-tête d'avant-conseil, le premier a demandé au second d'annuler son passage à la télé. Oh, quelle horreur ! Oui, mais c'est comme ça. L'atmosphère était glaciale entre les deux pendant le conseil. Le premier a accaparé la parole, le second a été totalement muet. Parle à mes ouades ! Car ma face, elle écoute rien. N'empêche, Fillon est à cran. Commence à me courir, hein, ce farfelu. Ainsi, malgré les démentis officiels de François Fillon ces derniers jours, la défaite fut telle dimanche dernier pour l'UMP que les relations entre l'Élysée et Matignon se sont profondément dégradées. Mais jusqu'à quel point ? C'est la question ce matin. Alors, pour toi, voici maintenant le véritable récit de ces derniers jours. Dès lundi matin, le Premier ministre a été convoqué par Nicolas Sarkozy afin de tuer dans l'œuf cet esprit frondeur qui semblait prendre de l'ampleur chez les barons de la majorité. Seulement voilà, quelle ne fut pas la surprise de M. Sarkozy lorsque François Fillon lui a exposé ses sentiments. Singulière aventure, n'est-ce pas, que la nôtre ? Les curieux sentiments qui nous attachent l'un à l'autre. Je n'y vois pas ça d'amitié, je n'y vois pas de haine. Et ce serait de l'amour que je n'en serais pas surpris, car je vous aime et vous m'aimez. Je vous ai tout de suite aimé d'ailleurs. Je me suis même attaché à votre personne. Je m'étais senti entraîné vers vous par cet attrait irrésistible qu'un beau génie porte avec lui. Vos bienfaits par la suite ont provoqué en moi une reconnaissance profonde. Et pourquoi ne le dirais-je pas, j'ai joui de votre gloire et des reflets qui en jaillissaient sur ceux qui vous aidaient dans votre noble tâche. Aussi vous ai-je servi avec dévouement et autant qu'il en a dépendu de moi, avec un dévouement éclairé. Dans le temps où vous saviez entendre encore la vérité, je vous la disais loyalement. Et la disgrâce que m'a valu ma franchise me justifie devant ma conscience de m'être séparé de votre politique. Vous vous en êtes donc séparé ? Non, mais je m'en sépare. Oui, trahison. Et désormais, les relations de messieurs Sarkozy et Fillon ressemblent un peu plus encore à celles de Talleyrand et Napoléon. Toujours est-il que jamais depuis le début de son mandat, le président fut aussi inquiet. Si bien qu'il a demandé au vice-premier ministre, Claude Guéant, de se rendre en espion à cette réunion secrète qu'a organisée François Fillon lundi en milieu d'après-midi. Une fois sur place, Claude Guéant a fait gober aux différents frondeurs qu'il désirait désormais lui aussi trahir son patron. Convaincu de sa sincérité, François Fillon lui a aussitôt proposé de participer à cette discussion sur leur avenir avec Nicolas Sarkozy. Vous pouvez parler en toute franchise. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein, c'est admis. On n'a pas des idées bien jojo et on n'a pas peur de le dire. On fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Eh ben, pour nous autres, c'est un joyeux glandu. Lui, sa fédération, non. Pour nous, c'est un peinzizi. Voilà. Je vais vous la faire courte. Nous, on vise le putsch. Ni plus ni moins. Alors, jusqu'à présent, on savait pas trop comment articuler tout ça. Maintenant, il se trouve qu'il y a une brèche. De retour à l'Élysée, vers 17h lundi dernier, Claude Guéant s'empressa de balancer au président tous les détails de ce joyeux complot organisé contre lui. Très vite, cet animal politique qu'est M. Sarkozy a saisi la mesure du danger et immédiatement après, il a pris deux décisions majeures. Primo, désigner une victime expiatoire sur l'autel de cette déculottée électorale régionale. Qui choisir ? Eh ben, Xavier Darcos. C'est un poids lourd du gouvernement, mais il ne pèse rien. D'ailleurs, M. Darcos s'est très vite résigné face au choix de Nicolas Sarkozy. Nicolas, je pars. Je pars comme un mauvais soldat, rejeté par son armée. Je pars comme une vieille chaussure oubliée dans le bowling. Je pars comme un... comme un va-nu-pied. Et pourtant, j'ai donné le meilleur de moi-même, Nicolas. Je ne suis pas... Je ne suis pas mauvais bout. Ah. Soit. Qu'on fasse entrer les putains, je vais me détendre. J'ai besoin d'une bonne dose d'amour. Oui, bon, parfois on se réconforte comme on peut. Dans la foulée, après avoir débarqué d'Arcos, M. Sarkozy a organisé un mini-remaniement ministériel uniquement pour faire entrer au gouvernement quelques barons des différentes chapelles gaullistes, histoire de calmer Fissa la fronde. Tout d'abord, sur les conseils de son vice-premier ministre, Claude Guéant, c'est un jeune Chiracien, François Barouin, que M. Sarkozy a convoqué à l'Élysée. Le vice-premier ministre et moi-même, nous nous demandions si vous accepteriez d'entrer au gouvernement. Yo, bossman, maintenant que je suis au gouvernement et tout ça, je peux pas jeter un œil au bouton rouge ? Puis-je vous faire confiance ? Yes. Très bien. Allons-y. C'est là. La moindre pression sur ce bouton rouge pourrait détruire le monde entier. Ah bah justement, c'est intéressant que vous me disiez ça, parce que... Non. Oh, comment il s'est fait avoir, comment je l'ai possédé. Éloignez-vous de ce bouton. Oh Dieu. Évidemment, le placide Claude Guéant commençait déjà à s'arracher les cheveux devant le tempérament juvénile de François Barouin. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque M. Sarkozy lui confia ensuite qu'il voulait également intégrer au gouvernement un vilpiniste en la personne de Georges Tronc. Alors là, c'était aller trop loin pour Claude Guéant. Non. Je refuse d'être le complice d'un malfaiteur. Parce que c'est mal d'obéir à un signe du ciel. Mais tu pilles les troncs. Mais je ne l'évite jamais complètement. Je n'en prends que la moitié. Toujours la moitié, mais rien que la moitié. Est-ce que c'est Duval ? Ah non ? La loi le permet. C'est légal de prélever son pourcentage. Puisque c'est légal, je prélève le mien sur les troncs. Oui, mais l'argent des troncs ne t'appartient pas, enfin. Mais il n'appartient à personne. L'argent appartient toujours à quelqu'un. Les troncs appartiennent à l'église et cet argent va aux pauvres de la paroisse. Mais je suis pauvre et j'ai une paroisse. Oui, le redoutable duo élyséen a pillé un Georges Tronc dans la paroisse de Dominique de Villepin. Résultat ? Lundi soir, le gouvernement est devenu celui de la droite plurielle. Mais conscient que cela ne suffirait pas à éteindre la révolte au sein des barons rassemblés autour de François Fillon, M. Sarkozy s'est empressé mercredi dernier, lors du Conseil des ministres, de mettre définitivement les choses au clair. À dater d'aujourd'hui, je prétends régner seul. Et sans ministre aucun. Ces messieurs désormais réduits à néant se sont tous mis à chuchoter. Quoi ? Sans ministre aucun ? Qu'entend-il par ces mots ? Il est dominé par son orgueil. Oui, en somme, l'État, c'est lui. Il ne l'a pas dit, mais c'est tout comme, et je le répéterai comme s'il l'avait dit. Il prétend régner seul. Pendant combien d'années ? 2 ans ? 1 an ? 6 mois ? Et ça, nous verrons bien. Le roi Soleil, lui, a régné pendant 54 ans. Puis, jeudi, toujours dans sa stratégie de redorer son image présidentielle, M. Sarkozy s'est pointé au sommet européen de Bruxelles dans l'espoir d'être le sauveur de la Grèce. Mais au final, il n'en est sorti qu'un compromis boiteux. C'est ainsi que jeudi soir, le président est rentré chez lui fourbu, épuisé par ses quelques jours intenses, à tel point qu'il ne se sentait pas très bien, jusqu'à réclamer la présence de son médecin. Votre cœur se porte bien. Comment ça, je vais bien ? J'ai eu 8 crises cardiaques en moins de 3 semaines. Bon, d'après vos examens, je dirais que vous avez eu une crise d'angoisse. Une quoi ? Une crise d'angoisse, de panique, c'est rien, je vous mets sous Xanax. Une crise d'angoisse ? Vous foutez de moi ? Non, j'en vois toutes les semaines. Eh, vous m'avez bien regardé ? J'ai la gueule d'un type qui panique ? Mais... Hein ? J'ai la gueule d'un type qui panique ? C'est humain, il y a pas de quoi faire tes études, toi, espèce de blaireau. C'est une putain de crise cardiaque. Non, d'après votre électrocardiogramme... Oui, il faut bien l'avouer, depuis dimanche dernier, M. Sarkozy est un peu sur les nerfs. Et pour cause, résumons la situation. Primo, sa politique vient de subir un violent camouflet à la hauteur de son élection triomphale en 2007. À tel point que 58% des Français ne veulent même plus qu'il se représente en 2012, dis donc. Deuxio, même s'il empêche François Fillon de s'exprimer à la télévision, il n'en demeure pas moins que son Premier ministre jouit aujourd'hui d'une grande popularité à droite, de quoi en faire un rival redouté et redoutable. Et enfin, Tertio, pour assombrir encore un peu plus le tableau élyséen, digne du radeau de la Méduse, il ne faut pas oublier qu'un preux chevalier demeure en embuscade. Je me mets au service de mon pays, de ma nation, la France. Ce qui m'intéresse, c'est d'offrir un avenir meilleur aux Français, un avenir pour mon peuple, pour mes compatriotes, mes frères. Voilà, je suis dans l'avenir et non dans le passé. Mais l'histoire est têtue. Qu'ont vécu les Français? Quelles calamités ont-ils traversées au cours des siècles? Tour à tour, dévorés par la bête du Gévaudan en 1764, éviscérés par Landru en 1914, et enfin, affamés par Nicolas Sarkozy en 2010. Monsieur Villepin, ce sont des faits historiques. Je n'y suis pour rien. Et si je monte ce parti, c'est pour sauver des griffes de l'infâme, mes chers compatriotes, mes fils adorés, mes neveux adultérins, mes demi-frères issus d'un mariage mixte. Oui, oui, les Français. She ain't a child no more. Autrement dit, elle n'est plus une enfant. C'est ce que nous apprend ce matin Sharon Jones et The Dap Kings. Eh, c'est ça, grandir. Maman! Ça y est, je les ai, j'ai mes règles. Ma chérie. Mais c'est une tradition, on fait toujours ça aux filles. Ça donne bonne mine pour toute la vie. Mais il faut pas que tu pleures. T'es une grande fille maintenant. Alors maintenant, après avoir suivi la fronde des barons de la majorité parlementaire, il est temps désormais de nous diriger vers d'autres sous-sols obscurs et sinueux, ceux de l'INA, où, cette semaine, les voix des fantômes de la radiophonie française avaient invité Lewis Carroll à venir prendre le thé. Et oui, tu l'as bien compris, à l'occasion de la sortie au cinéma d'Alice au Pays des Merveilles, version Tim Burton, notre Bernard l'ermite est passé de l'autre côté du miroir. Alors tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole? Cette semaine, à l'INA, nous allions inviter Lewis Carroll à venir prendre le thé. Mais jeudi, à 16h45, alors que tout était prêt, il nous a envoyé un mail sur la boîte de l'INA pour annuler. Ma chère INA, je suis arrivée juste à ta porte pour te souhaiter beaucoup de bonheur. Mais le chat m'a vu et m'a pris pour une souris. Et il s'est lancé à ma poursuite en long et en large jusqu'à ce que je sois complètement épuisée. Bien sûr, je me suis sauvée à nouveau dans la rue. Et là, C'est un cheval qui m'a vu et qui m'a pris pour une charrette. Et il m'a traîné tout le long du chemin jusqu'à la gare. Mais le pire de tout, c'est quand une charrette m'a vu et m'a pris pour un cheval. Alors je me suis retrouvée attelée et j'ai dû la tirer sur des milles et des milles jusqu'à Merrow. Cela ressemblait bien à une dérobade. Et Michel Tournier, déguisé en œuf, en était convaincu. Si Lewis Carroll nous avait fait faux bond, c'est que nous n'étions pas assez pudibonds. Je crois que Lewis Carroll est dominé par une horreur de la sexualité. Nous sommes en pleine Angleterre victorienne. C'est un régime d'une brutalité, d'une violence criminelle. Le bien pour eux, c'est simple, c'était la chasteté. Dès l'instant qu'il n'y avait pas de sexe, on était bon, on était sanctifié. Je crois, hélas, que Lewis Carroll allait tout à fait dans ce sens. Il y avait chez lui une véritable horreur du sexe. Alors évidemment, il aimait les femmes, mais la femme sans sexe. Et la femme sans sexe, eh bien, c'est la petite fille. Hélène Cixous, élégamment vêtue en simili-tortue, avait une autre hypothèse. Peut-être avait-il peur qu'on lui parle de politique. Il est né en 1832, il est mort en 1898. C'est l'époque du marxisme. Le marxisme s'installe à partir d'une analyse des conditions de vie en Angleterre. Et je crois que c'est d'autant plus important à dire qu'il n'y en a pas trace dans une œuvre comme celle de Lewis Carroll. Au fond, Lewis Carroll, lui, qui pourtant ne peut pas ne pas être considéré comme extrêmement subversif, à cause justement d'une certaine façon qu'il a de déconstruire, de défaire, de désagréger le monde dans lequel il est, se trouve quand même du côté des privilégiés et ne le quitte jamais. Ça fait partie du privilège, au fond, de l'écriture que de pouvoir être subversive, même sans être engagée politiquement. Pour Jacques Lacan, notre chapelier fou à nous, le problème était différent. Nous n'étions pas des petites filles. De la petite fille, Lewis Carroll s'est fait le servant. Elle est l'objet qu'il dessine. Elle est l'oreille qu'il veut atteindre. Elle est celle à qui il s'adresse véritablement entre nous. Tous. Comment cette œuvre nous atteint-elle tous après cela? Je voudrais dire ce qui m'apparaît la corrélation la plus efficace à situer Lewis Carroll, c'est l'épique de l'ère scientifique. Il n'est pas vain qu'Alice apparaisse en même temps que l'origine des espèces dont elle est, si l'on peut dire, l'opposition. Mais pendant ce temps, André Breton, alias le chat qui sourit, avait décrypté le message dans la fuite de Lewis. Tous ceux qui gardent le sens de la révolte reconnaîtront en Lewis Carroll leur premier maître d'école buissonnière. Qu'un pasteur anglican se trouve être par surcroît distingué professeur de mathématiques et logicien spécialisé, il n'en faut pas davantage pour que le non-sens fasse son apparition dans la littérature. Le jeu de l'enfance, comme moyen perdu de conciliation entre l'action et la rêverie, se trouve de la sorte réhabilité et dignifié. Eh oui, Lewis Carroll était vraiment notre maître en tout. Du coup, on lui a passé un petit coup de fil. Bonjour monsieur, faut éviter la gare de Lyon. Pourquoi ? Il y a des lions. Merci beaucoup Flora Bernard. Avec vous, ça glisse toujours au pays des merveilles. Mais quittons maintenant ces Adventures in Wonderland pour vivre nos propres péripéties hebdomadaires en pays gros boulet, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales et foutraques, direction Gros Boulet les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Et voici qu'entrent sur le ring de notre Mangin Palace les merveilleux Monique et Jean-Claude, prêts au combat pour vivre de nouvelles aventures. Car cette semaine, à Gros Boule, on a encore entendu parler de violences scolaires. À la télé, un prof de Créteil attaqué à coups de tringle à rideau. Le plus beau métier du monde et la sécurité de l'emploi, tu parles. Bon, il faut être franc, à Gros Boule, au lycée, c'est plutôt calme. Mais il n'empêche que pour les mômes, la peur de la violence est un sujet de conversation. D'ailleurs, Rémi, le fils de Monique et Jean-Claude, est assez fasciné par ceux de ses camarades, aptes à répondre aux situations les plus critiques. Alors tu vois, au cours de taille, là, il m'a montré un coup mortel, tu vois. Tu baisses la garde comme ça, après, t'envoies une manchette gauche, ensuite direct, t'enchaînes le coup de doigt, direct du droit, et là, tu finis par retourner marteau dans la face. Oh là là, putain! Ça doit être balèze pour l'entraînement, alors. Eh, Karim, il en fait un bagneux. Tu sais ce qu'il m'a dit? Là-bas, ils s'entraînent à frapper sur des poteaux en bois. Bah ouais, c'est pour endurcir les tibias. Ouais, mais Karim, là où il va, tu vois, c'est des tounazes. Moi, je te dis, mon prof de taille nous entraîne à donner des coups sur des barres de fer, tu vois. Non. Putain, là, là, ça doit défoncer. Tu sais, c'est une question d'habitude, hein. Au bout d'un moment, tu sens plus rien. Moi, je te dis maintenant, mes tibias, c'est de la baramine. Voilà, plus salut. Ah ouais, laisse tomber, ce gars-là, c'est un tueur. Eh oui, il n'est pas si simple de s'imposer au milieu d'une bande de malabar. Et Rémi, à l'âge où le corps change, aimerait beaucoup voir quelques muscles pousser sur ses os. Rémi se rend alors auprès de son héros, à savoir Jean-Claude, afin que son daron lui donne des petits tuyaux pour devenir une véritable masse. Et Jean-Claude ne se fait pas prier. On y va. Les poings levés, c'est parti, montre tout ce que t'as. Jésus-Marie-Joseph. Non mais t'entends ça? Crie, gueule, vas-y, bien fort, bien méchant. On veut le péter, vas-y. C'est défendu de frapper les gens dans les couilles, sale petit con. Bon, bien sûr, Jean-Claude vient d'être mis à terre par son fils Rémi. Mais ce petit chaos testiculaire n'évite pas l'impensable. Jean-Claude se redresse, regarde Rémi dans les yeux et, comme ça, mine de rien, il lui annonce qu'il a un désir profond. Y a pas de souci. Non, non, je voulais juste parler directement, c'est tout. Je voulais seulement savoir si tu pensais d'un truc à moi. Ok. Ce que je pensais de quoi? Bah, c'est ce qu'on dit, le tour du cadran, on le fait qu'une fois. J'ai entendu dire. Bah, y a un truc que je voudrais faire. Ouais, quoi? Boxer. Ouais, important, des petits combats locaux, tu vois. T'es pas trop, je veux dire, vieux. Ouais, mais tu crois qu'on devrait s'empêcher d'essayer des trucs à cause de deux ou trois bougies de trop? Moi, je trouve pas. Papa, qu'est-ce que les gens vont dire? Que je suis dingue. C'est ton ego qui parle. Il faut être réaliste. Tu sais, les choses sont différentes maintenant. Les choses sont différentes maintenant. Et c'est vrai que Rémi imagine assez mal son père grimper sur un ring, affublé d'un short et d'un peignoir à ses initiales. Mais Jean-Claude a pris sa décision, il va devenir boxeur, d'autant que ça lui semble être un bon moyen de se faire un peu de maille dans la guerre de récession. D'autant que deux options s'offrent à lui. Soit il gagne ses combats et donc du fric, soit il accepte de perdre et ramasse aussi l'oseille pour avoir truqué le combat. Un plan parfait. Cependant, avant de se lancer dans la compétition, Jean-Claude décide de se rendre au Fighting Racing Box Club de Grosboule pour faire le point sur l'état de ses poings avec un entraîneur. Voyons la gauche. Bon, d'accord. Voyons la droite. Une seconde. En cuve. Ça va, je suis prêt. Une seconde. Attends, juste une seconde. D'accord, un coup de poing c'est pas ton truc, mais c'est pas grave, t'es pas ce genre de boxeur. Toi ton truc c'est de rester planté là jusqu'à ce que ton adversaire soit épuisé à force de te bourrer de coups. Ensuite tu aurais plus qu'à le pousser. Exactement, et si l'arbitre regarde pas, tu pourras lui filer un ou deux coups de pied. Jean-Claude est absolument ravi de tous ces petits conseils personnalisés. Encaisser les coups, ça il sait faire, il a regardé la soirée électorale dimanche dernier. Et voilà, hier soir, Jean-Claude a vécu son premier combat de boxe. C'était au Boxing Coliseum de Grosboule-les-Bains, où il affrontait une brute épaisse, le Kid de Malingreville. Et bien entendu, Jean-Claude était encouragé par sa première groupie, Monique. Où est mon protège-dents? Ah, c'est moi qui l'ai, le protège-dents, une minute. Allez, ok, ça va bien. Non, pas comme ça, il est à l'envers. Oh. Le protège-dents est à l'envers, tout comme la tête de Jean-Claude dans ce combat de boxe contre le Kid de Malingreville. Jean-Claude balance un crochet et se prend un uppercut. Il tente alors un swing et se retrouve dans les cordes. À la fin du premier round, Monique se précipite auprès de son Jean-Claude, vautrée dans son coin sur son tabouret. Elle lui demande s'il va tenir jusqu'à la fin du combat. Jean-Claude est très honnête. Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, ouais, ça fait. Que l'on n'a rien sans lutter. Le prix de l'amour, celui de l'amitié. Quand on est le premier, ce qui vous crie bravo. Et puis ce qui voudrait pouvoir un jour KO. Les coups, c'est certain, ça fait mal. Et Monique est fébrile devant tous ces bourre-pifs que se ramasse son Jean-Claude. Alors, au bout de la 12e seconde du second round, elle arrête le combat. Bob l'éponge. Hourra pour Bob l'éponge. Ainsi donc, Jean-Claude ne va pas percer dans la boxe et le kid de Malingreville a eu raison du caïd de Grosboule. Cependant, malgré sa défaite, Jean-Claude a obtenu l'admiration de toute sa famille et de toute la population de Grosboule. Et il a même eu droit aux honneurs journalistiques. Que pensez-vous de votre adversaire ? Un type très antipathique. Tout de suite, il m'a déplu d'ailleurs. Un type odieux. J'aime pas le mot d'adversaire. C'est vrai, on est tous des frères. Mais celui-là, aïe aïe aïe. Je fais un geste à la caméra pour ma femme. Pain ! Interlude. Plus de son, plus d'image. Il m'a tapé dans l'œil. Et 10 secondes, ça passe vite quand on a sommeil. Alors, ça va un peu mieux ? Oui. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai fait des compresses. C'est ma femme qui m'a soigné. Mais la boxe, c'est un sport qui comporte bien des vicissitudes. Bien, après cette belle raclée sur le ring qu'a reçu Jean-Claude, digne d'une belle fessée électorale au régional, il est temps désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le mot qui compte triple, c'est la moitié du chef-d'œuvre de Fédor Dostoïevski, à savoir le châtiment. Pourquoi ? Eh bien pour deux raisons. Tout d'abord, parce que nous avons assisté mercredi dernier au sursis in extremis d'un condamné à mort au Texas, Hank Skinner, sauvé 20 minutes avant d'être exécuté. C'est heureux, certes, mais effroyable. Et puis, sache également que se tient en ce moment à Paris, au musée d'Orsay, une sublime exposition intitulée « Crime et châtiment », justement, sur une idée du non moins sublime Robert Badinter, à qui notre facétieux reporter est allé tendre son micro afin d'évoquer avec lui l'essence même du châtiment. Ainsi, accueillons avec une immense fierté, juste après la virgule, celui qui a dézingué la peine de mort en France. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. 6 consonnes, 3 voyelles, châtiment. Châtiment, c'est la punition. Dans punition, il y a la vieille racine latine, pena, la peine. La peine, c'est la douleur. Le châtiment, c'est ce qui est infligé par la société à un être qui a enfreint la loi. Et dans châtiment, quel que soit l'angle sous lequel on le considère, il y a toujours de la souffrance. Comment peut-on dire d'un homme qu'il est coupable ? Nous ne sommes tous que des hommes ici, les uns comme les autres. Dans nos sociétés démocratiques fondées sur les droits de l'homme, l'État doit respecter la vie de celui qui a commis le crime. C'est le point de départ, le fondement même de l'abolition de la peine de mort dans les temps où nous sommes. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Bonsoir, il était 3h30 cet après-midi quand le garde des Sceaux, Robert Badinter, a donc prononcé cette phrase qui rejoindra sans doute les grands moments, les grands débats des élus du peuple. Qu'on soit pour ou contre la peine de mort, il est certain que ce 17 septembre 81 marquera une date. Voilà près de 3/4 siècle que les députés ne s'étaient saisis d'un projet de loi portant sur l'abolition de la peine de mort. L'abolition a connu des progrès très supérieur à ce que nous espérions en 1980. Aujourd'hui, quelques 29 ans plus tard, nous regardons la situation. 196 États aux Nations Unies, 138 sont abolitionnistes. De 35 à 138, vous imaginez les progrès à réaliser, le chemin parcouru. Disons-le simplement, la peine de mort aujourd'hui est très largement minoritaire dans le monde. 93% des exécutions en 2008 se concentrait dans 5 pays. La Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, les États-Unis. J'ai une dernière question. Est-ce que ça vous paraît important, aujourd'hui en 2010, de répéter aux jeunes pourquoi la peine capitale n'est pas une solution ? C'est toujours important de répéter aux jeunes générations que le respect de la vie est un principe premier des sociétés démocratiques et des sociétés respectueuses des droits de l'homme. C'est une leçon qu'il faut constamment rappeler, constamment. Je ne suis pas naïf, je sais que l'instinct de mort existe chez les êtres humains. Je sais que l'homme est un animal qui tue. Il est le seul d'ailleurs avec le rat à le faire, de tuer son semblable, pour le tuer. Je sais tout cela. Mais précisément, parce qu'il existe cette pulsion de mort en nous et que nous devons la maîtriser, je considère, et j'ai toujours dit, que l'abolition de la peine de mort, c'est une des grandes et rares victoires que les hommes puissent remporter sur eux-mêmes. J'essaie de parler après Maître Badinter, c'est difficile parce qu'il ça parle, n'empêche pas de donner il son parle avis citoyen. Bien. Alors, Monsieur Smet, que pensez-vous de la peine de mort ? Moi, personnellement, je suis contre. Moi, je crois qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Si on condamne quelqu'un à mort parce qu'il a tué, pourquoi on le tue ? Alors, je veux dire, ça ne rime plus à rien. Même pas pour la loi du talion. Non. Alors, quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Pour finir, et en écho à ce magnifique combat de Robert Badinter, citons Victor Hugo. On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort, ne point se prononcer, dire oui et non, tant qu'on n'a pas vu de ses yeux une guillotine. Et crois-moi, lorsqu'à l'entrée de cette exposition du musée d'Orsay, tu croises cet instrument de mort, plus jamais tu ne peux être favorable à la peine capitale. Même si certains condamnés à mort ont su conserver une froide ironie sur l'échafaud. Freud étudie la psychologie de l'attitude humoristique. Il part d'anecdotes telles que celle-ci. C'est un condamné à mort qui trébuche sur une marche en montant à la guillotine et qui s'exclame « Mauvais présage !» Il cite aussi l'exemple d'un autre condamné à mort que l'on menait à la guillotine aussi, un lundi, et qui, avant de monter sur l'échafaud, s'écrie « C'est lundi aujourd'hui, voilà une semaine qui commence bien !» Mon tricot, plume des oiseaux, des animaux. Mon tricot, c'est très malin, rien dans les mains, tout dans le cou de rein. Rien qu'en passant, ça fouette le sang. Mon truc en plume, ça vous caresse avec ivresse tout en finesse. Moi je vide ma plume et je plume le bitume. Et c'est au clair de la lune que j'allume les pieds roux. Oh, yeah. Mon truc en plume, plume de panthère à milliardaire. Mon truc en plume, ça fait rêver, mais c'est sacré, faut pas toucher. Mon truc en plume, viens mon brigand dormir truc en plume. C'était en 1962, le sympathique accessoire de Zizi Jeanmaire. Mais l'histoire ne dit pas à qui ce truc en plume était destiné. Mademoiselle, c'est pour Mitch Brenner. Oui. Il est absent. Ça ne fait rien. C'est qu'il ne sera pas de retour avant lundi, dans le cas où ses oiseaux seraient pour lui. Où est-il allé? À Bodega Bay. Il y passe tous ses week-ends. À Bodega Bay? Où est-ce? Sur la côte, à environ 100 km d'ici, au nord. Alors maintenant, nous nous approchons de midi, l'heure de retrouver avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Ah, la presse le constate, Philippe, depuis les résultats des régionales, certains partis politiques ont pris de l'avance sur la semaine sainte avec Chemin de Croix et Calvaire. Philippe, vous l'avez remarqué, ça rame au plus haut point dans les alliances politiques. Alors ça rame au sein de la majorité présidentielle, mais dans l'opposition avec leur Union Libre, ça rame aussi et c'est normal. Car aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Voilà, dans une semaine, c'est Pâques, la fête de la résurrection de Jésus. Pas de l'UMP. Alors je me suis précipité sur l'hebdomadaire chrétien La Vie, qui nous offre pas moins de 20 pages de conseils pour préparer la fête de Pâques. Chouette. C'est sympa. Surtout que les sondages annonceraient un record d'abstention massif à la messe. Alors bon, je vous passe les conseils cathos de La Vie à appliquer pendant la semaine sainte, du genre lire la Bible en famille. Non, pour ma part, j'ai plutôt retenu page 68, préparer un gigot de 7 heures à la cannelle. Voilà. Très bien. Bon, ah ben oui, on a tous les ingrédients, les étapes de la préparation, mais aussi une petite note historique qui s'appuie sur les travaux de l'historien Jean-Louis Flandrin. Mmh. Au Moyen-Âge, les plats étaient truffés d'épices aux noms charmants. Malaguette, graines de paradis, galanga ou encore cubeb. Ah, voilà. Bon, ce n'était pas là pour masquer le goût des viandes avariées, hein, comme le disent trop souvent certaines mauvaises langues. Et alors le siècle de Louis XIV, avec ses délires d'harmonie et de perfection classique, a mis toutes ces épices au placard. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, les goûts d'autrefois reviennent dans les plats. Des plats de plus en plus copieux. C'est ce que nous apprend, ou plutôt ce que nous confirme, The International Journal of Obesity, le journal international de l'obésité du mois d'avril, qui publie une étude intrigante. Wesh gros. Pas permis ça. Deux chercheurs ricains, Brian et Craig Wansink, ont analysé 52 peintures représentant le dernier repas de Jésus. La scène quoi, et des peintures faites entre l'an 1000 et l'an 2000. Ils ont pris un référent stable, à savoir la taille des têtes, qu'ils ont comparé avec la quantité de nourriture étalée sur la table. Eh ben, devinez quoi ? Jésus et ses potes ont de plus en plus à grailler. C'est magique. Bon, alors l'étude vaut ce qu'elle vaut, hein. Elle apporte sans doute plus d'infos sur les représentations des sociétés qui ont produit ces peintures que sur la quantité réelle de miam-miam ingurgité. Mais bon, on verra ça dimanche prochain. Là, on peut pas. Non. C'est carême. Oui. Vous pouvez pas. Bon, Philippe, il y a un Gus pourtant qui a pris de l'avance, hein, pour se goinfrer l'agneau pascal. Le quotidien allemand Bild nous apprend que dimanche dernier, à Cologne, un automobiliste a eu un accident de voiture à cause d'un agneau tombé du ciel. Oui, cette bestiole est tombée d'une passerelle surplombant la route où elle se baladait avec quelques centaines de congénères. L'agneau est mort. Mais cet agneau était un véritable hippie. Il n'a pas voulu suivre le troupeau. Il a franchi le garde-corps. Et maintenant, il est au paradis des agneaux. Oui, cet agneau hippie va peut-être finir à la cannelle, mais plus certainement en kebab à cool avec, évidemment, frites, tomates, oignons et sauce blanche. Sauce blanche. Voilà. Philippe, puisque nous parlons fête religieuse, Libération de jeudi nous emmène en Iran pour rencontrer Esther, une prophétesse vénérée par les juifs et les musulmans. La scène se passe à Hamedan, à l'ouest de Téhéran, là où se trouve le tombeau d'Esther. Juifs et musulmans pris ensemble en Iran, bon, pas pour le même dieu, hein, mais ensemble. Et cet article de Libération est surtout l'occasion de rappeler, je vous lis la conclusion, que le vieux travail souterrain du peuple recoue et répare secrètement les déchirures hargneuses des dirigeants de passage. Voilà, ça c'est valable pour tout le monde. Oui. Allez Philippe, pour finir, face à cette semaine sainte qui commence aujourd'hui, j'ai pensé que le mieux était de nous plonger dans la Bible. J'ai donc lu Paris Match, la Gazette du Palais, qui fait dans le sort, hein, cette semaine, non, le minimum syndical. Seulement une photo de Nicolas Sarkozy. de plein pied et en pleine page. Mais c'est bien, c'est comme ça, on peut découper, la mettre dans sa chambre, c'est joli. Bon, sinon, Paris Match nous offre une pleine page sur les œuvres de Carla avec tous ses amis, c'est bien. Et puis, il y a un article sur Pal, Sarkozy, le père. Tout dans la mesure, Paris Match. Hein. Je vous passe la double page publicitaire pour le dernier modèle de chez Rolex qui ouvre le journal. Très sobre, je vous dis. Voilà, Philippe, hein, comme on dit à mes dents, il est l'heure d'Esther. Alors, gigot. Merci, Monsieur Baudu, pour votre revue de presse et à la semaine prochaine, puisque le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 198e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Manche à Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi Xavier, aux platines et à la réalisation. Il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Et assisté aujourd'hui à la technique de Michel Bézikian. Merci beaucoup à lui, c'était parfait. Et pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais et Elsa Denac. Pour les scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin. Merci aussi à Olivier Lefayer pour ses idées complémentaires, ainsi qu'aux documentalistes de l'INA et à Marie Bertin, notre stagiaire. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet savamment ripolliné sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa recette du crumble. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve dimanche prochain de retour en direct, mais aussi samedi dans notre cellule de dégrisement à 11h sur France Inter avec de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Vive la panique! Vive la République! C'est la fin.